Eh bien, commençons. Il y a deux passages que j'aimerais que nous examinions de près, et ensuite deux remarques sur deux autres passages pour terminer nos considérations provenant de la fin de l'intrigue biblique. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. J'ai brièvement mentionné Jean 11 hier en ce qui concerne Caïphe. Mais Jean 11 a son importance pour notre sujet aujourd'hui, la théologie de la souffrance, dans le fait que les deux sœurs, Marie et Marthe, ont perdu leur frère par la mort, par la maladie, que Jésus aurait pu éviter. Donc, il y a des leçons à apprendre à travers cette histoire, il me semble, si nous examinons brièvement ce chapitre. Souvent, Dieu nous surprend. Ce n'est pas rare. Abraham était surpris quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Moïse était surpris quand, à l'âge de 80 ans, en fin de compte, Dieu l'a appelé. Et des fois, les surprises de Dieu sont présentées dans la Bible avec l'ironie. Les deux écrivains du Nouveau Testament, les deux écrivains néo-testamentaires qui sont le plus donnés à l'ironie sont Jean et Matthieu. Et dans cette histoire, nous sommes tellement, nous connaissons tellement bien l'histoire que les surprises ne nous surprisent plus. Nous savons chaque étape déjà avant même de le lire, n'est-ce pas? Et il faut des fois recommencer pour voir comment cette histoire aurait été lue au début, quand c'était écrit. Eh bien, premièrement, Jésus confronte une demande pour l'aide et il démontre son amour par le délai. Il confronte une demande pour l'aide et il démontre son amour par le délai. C'est remarquable. Jean chapitre 11, verset 1 à verset 16. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Maintenant, Jésus est en Galilée à ce point. Mais l'autre côté, vers l'est, mentionné dans chapitre 10, versets 40 et 41, Béthanie, par contre, est 2 000 à peu près, 3 kilomètres de Jérusalem. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Même cette expression est belle, n'est-ce pas? « Celui que tu aimes. » Ce texte parle aussi du disciple que Jésus aimait, Jean lui-même. Avez-vous jamais rencontré un pasteur ou un autre responsable? Pas seulement des pasteurs, d'autres personnes quand même, mais des chrétiens mûrs. Et presque chaque personne qui les connaît pense qu'elle est une des personnes favorites pour ce chrétien. Hein? Il est tellement aimant, ou elle est tellement aimante, que tout le monde veut être aimé par lui ou par elle. Et se sentent même aimés ou, oui, aimés, appréciés. par un tel chrétien. Il me semble que c'était un peu comme ça avec Jésus, celui que tu aimes. C'est beau, n'est-ce pas? Et si c'est une marque du chrétien, que les chrétiens s'aiment l'un l'autre, c'est aussi une marque de maturité s'il y a bien un grand nombre de telles personnes dans l'Assemblée. Ce n'est pas que tout le monde veut être son ami, mais que tout le monde sent déjà l'ami d'une telle personne, déjà aimé. C'est précieux, cela. Eh bien, ce n'est qu'un petit point, mais c'est intéressant, il me semble. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Mais formellement, c'est une antithèse. C'était pour la mort dans un sens. Après tout, Lazare était à veille de mourir. Mais ça ne terminerait pas dans sa mort, ça terminera dans une grande présentation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans le Fils, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Ensuite, nous lisons. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Dans le grec, c'est encore plus fort. Dans le grec, c'est « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Donc, en grec, c'est bien clair. Il n'y a pas de question. Donc, quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Comment prouver, comment démontrer son amour? Un grand délai. C'est remarquable. Pour 2 jours. Souvenez-vous de ces 2 jours. J'y reviendrai. Puis, à la fin de ces 2 jours, verset 7, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y retournes? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » C'est seulement une manière de dire, en effet, que Jésus marchait selon la lumière, la révélation que le Père lui donnait. C'était selon la volonté de son Père qu'il retourne. Si c'était dangereux, ça ne fait rien. S'il marche dans la lumière, c'est bien parce que c'est ça que son Père veut qu'il fasse. Après ces paroles, il leur dit, apparemment, à cause de révélation, un autre messager n'est pas mentionné. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort. Donc, après 2 jours, apparemment, par la révélation, Jésus sait que Lazare, maintenant, est décédé. Clair? Après 2 jours. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, s'appelait Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » Eh bien, ça prenait 3 à 4 jours pour descendre à pied de Galilée à Béthanie. S'il a quitté immédiatement, donc ça lui prendrait 4 jours pour y arriver, et nous lisons, verset 17, « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. » Dans le temps, on les mettait dans le tombeau la journée quand il mourait. Donc, il meurt, même journée, dans le tombeau, 4 jours, et Jésus est là. Donc, supposons que Jésus avait quitté Galilée aussitôt qu'il avait entendu que Lazare était malade. Dans ce cas, Lazare serait mort quand même, mais seulement avec 2 jours dans le tombeau. Tombeau, pas 4 jours, mais mort, c'est mort après tout. Pourquoi faire une grande différence? Pourquoi cette expression « donc » il est resté où il était pour 2 jours? Pour démontrer son amour, il aimait Lazare, donc il est resté 2 jours davantage. Pourquoi? À quoi bon? Mort, c'est mort, n'est-ce pas? Eh bien, encore une fois, il faut se souvenir de coutumes dans l'Ancien Monde qui ne sont pas les nôtres en général aujourd'hui. Ma mère est décédée depuis bien des années, mais elle était anglaise d'Angleterre. Elle est née à Londres. Et elle a perdu son père dans 1919, quand elle avait 10 ans. C'était à la fin, en effet, de la Première Guerre mondiale. Il était tellement affaibli qu'il est décédé. Et dans le temps, il n'y avait pas de médecin pour prononcer qu'il était mort. Il n'avait pas un directeur de funérailles. Il y avait tout simplement une casquette sur la table, dans la cuisine. C'est tout. Casquette? Un cercueil, c'est ça, un cercueil sur la table dans la cuisine, puis on l'apportait au tombeau, puis ça finissait là, 2-3 jours peut-être, mais un cercueil sur la table dans la cuisine, c'était pas mal informel. Et de temps en temps, ce n'est pas arrivé avec mon grand-père, mais de temps en temps, on entendait des histoires, on transportait le cercueil vers le tombeau, et tout d'un coup, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Il n'y avait pas de médecin pour être certain qu'il était véritablement mort. Et peut-être ce n'est que la fibrillation, est-ce qu'on dit la fibrillation du cœur? On ne pouvait pas trouver un pulse? On ne pouvait pas trouver le pouls? On pensait qu'il était mort, puis il est revenu. Puis encore, il vit pour un bon bout de temps. Hein? Ce n'est pas arrivé à mon grand-père. Mais j'ai mentionné ces choses il y a 30 ans en Angleterre une fois, et une vieille dame s'est approchée de moi. Puis elle a dit, c'était exactement comme cela avec mon père. Quand il est mort, c'était exact. On le transportait dans son cercueil. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Mais ce n'était pas une mode bouleversante, ça. C'était toute l'histoire, hein? Et sans doute, ces choses sont arrivées assez souvent dans des cultures où il n'y avait pas de médecin, où il n'y avait pas de système pour examiner ça de près, il n'y avait pas même les instruments de médecin. Hein? Et donc, les Juifs avaient une explication pour cela. Dans une source juive, pour ceux qui veulent le connaître, c'est Lévitique Rabbah. Là, les Juifs enseignent, c'est un document après du temps de Jésus, que l'Esprit reste autour du corps de celui qui apparemment est décédé pour 3 jours, apparemment avec l'intention d'y retourner. Mais aussitôt que l'esprit voit que l'apparence du corps change, c'est-à-dire par la corruption, là l'esprit quitte. Maintenant, je ne prétends pas que Jésus croit à cela. Mais supposons que Jésus avait décidé de retourner immédiatement. Maintenant, il arrive, le corps est dans le tombeau seulement depuis 2 jours. Jésus le ressuscite, Que dirait la foule? Ah oui, je connais ce cas, hein? Seulement 2 jours, l'esprit est encore dans le voisinage. Mais à place de cela, Jésus est revenu après 4 jours. Et le point est souligné à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Notez bien un peu plus tard, verset 39, Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Pas de manière d'imaginer que l'esprit est encore dans le voisinage, dans les alentours, parce que déjà il y a la corruption. Il sent déjà, c'est le 4e jour, vous voyez? C'est souligné à plusieurs reprises à travers le chapitre. Maintenant, qu'est-ce que nous lisons? Chapitre 11, verset 5. « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours. » Même plus fort. « Donc, quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours. » 2 jours de larmes pour les sœurs. Mais quand même, à cause de ce délai, non pas tout simplement les sœurs, mais les disciples et la foule ont vu un miracle que personne ne pouvait douter, parce que c'était déjà le 4e jour. Ils sentaient. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La plupart de nous, sans doute, nous avons des enfants, peut-être même des petits-enfants. Les enfants à l'âge de 3 ans, 4 ans, ils n'ont aucune idée comment arranger les affaires pour avoir un délai maintenant afin de gagner un plus grand avantage plus tard. C'est toujours « maintenant, maintenant hein? !» Et il y a des chrétiens comme cela aussi, qui sont beaucoup plus âgés. Maintenant, nous voulons la bénédiction, nous voulons la réponse, nous voulons le réveil, nous voulons n'importe quoi, mais maintenant! Hein? Et des fois, Dieu arrange les affaires avec les grands délais. Des fois, c'est le jugement qui va venir seulement avec long délai. Et des fois, c'est la bénédiction. Vous n'avez que lire l'histoire de l'Ancien Testament, de longs délais. Et Dieu a ses raisons. Des fois, on peut les voir. Des fois, on peut les voir après les faits. Des fois, il faut seulement se fier à Dieu. Mais il faut reconnaître, comme ici, donc, parce que Dieu les aimait, il est resté où il était pour 2 jours. Parce que Saul, le roi Saül, le roi Saül ne pouvait pas attendre la réponse de Dieu, ni l'arrivée de Samuel. Donc, malgré le fait qu'il était roi, il a décidé d'agir comme prêtre et il a perdu sa dynastie. Sa dynastie, oui. Oui. Il y a 30 ans maintenant. 30 ans? Non, 29 ans. Il y a 29 ans. C'était ma première année à Trinity, où j'enseigne. Dans le printemps, au temps des examens, nous avons tant d'étudiants que quand nous disons qu'un tel et tel examen aura lieu un certain jour, à une certaine heure, c'est décidé et franchement, il n'y a pas d'exception. À cause, si une mère est morte quelque part ou il y a un accident d'automobile, nous sommes prêts à faire des exceptions. Mais à part de cela, franchement, il n'y a pas d'exception. Et même pour ces exceptions, nous disons, si vous voulez même faire application pour avoir une exception. Il faut l'écrire d'avance. Et franchement, ça ne va pas être donné à moins qu'il y ait vraiment de bonnes raisons. Eh bien, il y avait un jeune couple, des stagiaires qui étaient pour terminer leurs études chez Trinity, avec une maîtrise en divinité. Et ils étaient en train d'être interviewés par une église en Californie, 4 heures par avion de Chicago, 4 heures et demie. Et cette église voulait que ce jeune couple aille de nouveau à Californie, à Los Angeles, pour encore leur dernière interview et pour prêcher le dimanche et tout cela. L'église voulait qu'ils arrivent le vendredi après-midi assez tard afin que ce couple soit là pour toute la fin de semaine. Puis ce couple donc a acheté leur billet pour l'avion, ils ont tout arrangé. Ensuite, ils ont mentionné ça à ceux qui étaient en charge des examens. Et lui, il a dit, est-ce que vous connaissez les règles à cet égard? Oui, mais nous pensions que c'était une exception. Et vous n'avez pas même demandé permission d'avance? Non. Il n'y a pas d'exception. Mais nous allons perdre notre argent, après tout. Quoi faire avec cela? Ben, comme ça, vous allez apprendre une leçon. Mais vous n'êtes pas intéressé véritablement au ministère. Hein? C'est seulement des règles, la loi, c'est tout. Vous n'êtes pas intéressé au progrès de vos étudiants. Mais si nous faisons une exception pour chaque désir qui arrive, il y aura 800 exceptions chaque printemps. Et nous n'avons pas assez de place. Nous n'avons pas les personnes pour arranger de tels examens. Après tout, il y a une raison pour ce règle. Mais dans ce cas, c'est déjà acheté. Mais dans ce cas, tu vas prendre une leçon. En fin de compte, ils ont dû payer pour un autre vol d'avion. Ils ont perdu l'argent. Et pour 3 semaines avant l'examen, on entendait gna gna gna gna gna gna gna. Partout parmi les étudiants, l'administration n'aime pas véritablement les étudiants, ils ne s'intéressent pas au ministère, c'est seulement des règles, c'est un gang de légalistes, et puis, gna, gna, gna, gna, gna, gna. On entendait partout. Je suis certain que ça n'arrive jamais ici à l'Institut, mais c'est arrivé à Trinity, je regrette. Vendredi après-midi, ils ont pris leur examen, puis ils sont allés à notre petit coffee house, the White Horse Inn, prendre une tasse de café, encore pour un peu de gna gna gna gna gna. La radio était là, puis tout d'un coup, on a entendu que ce vol est tombé à terre de 300 pieds, 100 mètres, et pas une seule personne a survécu. Pas une seule. C'est le désastre de United Airlines de 1979 à Chicago. Vous pouvez imaginer qu'il y avait des cœurs un peu plus silencés par cela. Silencieux? Oui. Nous voulons toujours arranger les affaires selon nos propres priorités. Je ne dis même pas si c'était une bonne règle ou non. Je m'en fiche. Ça ne fait rien. C'était quand même une règle. Il y avait des raisons pour cette règle. Ce qui était méchant dans tout cela, c'est que ce jeune couple ne pouvait pas se fier à Dieu même dans ces circonstances. Il ne pouvait pas agir avec courtoisie. Oui. Il voulait tout simplement critiquer. Il ne pouvait pas se fier à l'Éternel. Et en ce cas, c'était une leçon extrêmement forte. Des fois, Dieu arrange les affaires dans sa souveraineté avec des détails de vie par lesquels nous sommes déçus. Et la question qu'il faut toujours soulever, c'est est-ce que Dieu démontre peut-être son amour par ses providences? Est-ce que vos connaissances sont tellement riches que vous pouvez juger Dieu et même juger d'autres chrétiens? En tout cas, Jésus, premièrement, confronte cette demande désespérée pour l'aide. Il démontre son amour par délai. Deuxièmement, Jésus confronte la plus grande perte, la mort d'un frère. Et il donne sa consolation en dirigeant attention à lui-même. Il donne sa consolation en dirigeant attention à lui-même. Verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'elle le blâme? C'est possible. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Après tout, Jésus a guéri un grand nombre de personnes. Certainement, il aurait guéri celui qu'il aimait. Si tu étais ici. Mais aussitôt qu'elle l'a dit, elle sait immédiatement que ça semble de blâmer Jésus. Donc, elle dit immédiatement. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Ça ne veut pas dire qu'elle a la foi que même à ce point, Jésus va le ressusciter. C'est bien évident dans le reste de l'histoire qu'elle ne pense pas qu'il va faire cela. Même au tombeau, quand Jésus dit « ôte la pierre », c'est elle qui dit encore « mais Seigneur, 4 jours, hein, c'est un peu trop ». Mais c'est comme si elle ne veut pas donner l'implication que c'était en réalité sa faute, parce qu'il n'était pas là. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » C'est-à-dire, immédiatement, il donne une perspective éternelle. Ça, c'est intéressant. Il ne dit pas, « Ma chère Marthe, c'est tellement triste. Comment est-ce que je peux t'aider? » Il ne dit pas ça. Il donne immédiatement une perspective éternelle. « Ton frère ressuscitera. » La mort n'est pas la voie finale. C'est l'ennemi final. Mais ce n'est pas la voie, la parole finale. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » C'est-à-dire, elle est orthodoxe, comme les pharisiens, pas comme les sadducéens. Donc, dans sa tristesse, dans ses larmes, elle sait déjà que son frère ressuscitera au dernier jour. Ça n'évite pas toutes les larmes. C'est encore le dernier ennemi. Mais au moins, elle est orthodoxe. Et ensuite, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Deux prétentions. Moi, je suis, premièrement, la résurrection, deuxièmement, et la vie. Et donc, pour explication, premièrement, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, parce que je suis la résurrection. Et deuxièmement, et quiconque vit et croit en moi ne mourra point, parce que je suis la vie. Vous voyez? Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. De même façon que Charles de Gaulle dit « je suis l'État » ou « l'État, c'est moi ». Ce n'est pas une prétention ontologique, comme nous avons vu hier. Mais il dit maintenant, en effet, pas tout simplement « est-ce que vous croyez à la résurrection à la fin du temps ?» ou « maintenant, est-ce que vous pouvez croire qu'il n'y a pas de résurrection à la fin du temps sans moi ?» Vous voyez la différence? Donc, comme consolation, ce qu'il lui offre, c'est lui-même. Il dirige son attention vers lui. Pas tout simplement vers une espérance à la fin de l'âge, au dernier jour. Êtes-vous orthodoxe? Est-ce que vous croyez vraiment que ton frère, que votre frère ressuscitera au dernier jour? Mais il dit, mais est-ce que tu comprends que moi, je suis la résurrection et la vie? C'est moi qui pourvois la résurrection. C'est moi qui pourvois la vie éternelle. Et sans moi, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de vie éternelle. Crois-tu cela? Et elle, verset 27. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est-à-dire, même si elle ne comprend pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prétend, elle a confiance qu'il est le Messie. Ça ne veut pas dire qu'elle croit à ce point que Jésus va ressusciter son frère immédiatement. C'est bien évident, un peu plus tard, qu'elle n'y croit pas. Mais elle est maintenant suffisamment avancée dans son foi, dans sa foi, pour reconnaître, en fin de compte, que la résurrection à la fin de l'âge se dépend de Jésus. Même s'il ne comprend pas jusqu'à ce point exactement comment Jésus doit mourir pour atteindre cela. Non, non. Elle entend sa voix, elle entend ses paroles et elle se fie à ce que Jésus a dit. Et elle reconnaît qu'il est le Messie. Et même si elle ne peut pas jusqu'à ce point mettre tout ça ensemble, quand même, elle dit, je crois que tu es le Messie. Je me fie à toi. Et c'est assez. Mais notez bien, ce qui est tellement intéressant ici, du point de vue de la théologie de souffrance, ce qui est tellement intéressant, c'est que dans cette grande perte, Jésus n'a pas peur de parler des derniers jours et de ce qui arrive après la mort. Et surtout, il souligne sa part dans tout cela. Il dirige la pensée de Marthe vers lui-même. Il change le sujet, en effet. Il ne dit pas, « Et peut-être maintenant que nous pouvons examiner des photos de ton frère ensemble pour faire de beaux souvenirs. » Mais il y a une place pour cela. Mais ce n'était pas tout simplement parce que ce point qu'il n'y avait pas de caméra. C'est parce que c'était beaucoup plus important de diriger attention à Jésus seul. C'est lui qui donne la vraie consolation, une consolation qui endure, vous voyez. J'ai un ami dans le ministère, un bon pasteur. Depuis longtemps, il est pasteur d'une église. Et il y a quelques années, il y avait un jeune homme, l'âge de 17 ans, 18 ans, qui s'est converti. Il venait d'une famille extrêmement difficile. Qui sait qui était le père? Je n'ai aucune idée. Lui non plus. C'était une famille véritablement difficile et compliquée. Et ce jeune homme était véritablement sauvé. Et 6 semaines plus tard, on a découvert qu'il avait le cancer. On ne lui donnait pas plus que 6 semaines d'avantage pour vivre à l'âge de 17 ans. Les membres de l'Église l'ont visité assez souvent dans l'hôpital. La famille de ce jeune homme l'a abandonné. Les membres de l'Église le visitaient quotidiennement. Avec grande crainte, quoi dire à un jeune homme de 17 ans qui vient de se convertir qu'il va mourir? Et le pasteur a commencé à lire ce chapitre, et ensuite 1 Corinthiens 15. et quelques autres pasteurs. Et les autres membres de l'Église ont découvert que chaque fois qu'ils sont allés voir ce jeune homme, tout ce qu'il disait, ça serait « Lis-moi encore Jean 11. Lis-moi encore une fois 1 Corinthiens 15. » Parce que quand nous sommes au point de mourir, ce n'est pas des platitudes et des clichés qu'on veut. À ce point, c'est beaucoup trop tard pour cela. Ça prend la promesse de Dieu accomplie par la puissance de Jésus-Christ, sa parole, « Je suis la résurrection et la vie ». Et tout le reste, ça ne vaut absolument rien. Absolument rien. Oh, il y a une place, je vais en parler jeudi matin, il y a une place pour donner des repas et pour aider la famille et tout cela. Je reviens à ces questions pratiques à la fin. Oui, d'accord, complètement. Mais si c'est tout ce que nous faisons, nous sommes comme les païens. Les païens peuvent être aussi généreux avec d'autres païens. C'est ce que Jésus lui-même instruit, n'est-ce pas? Les païens ont leurs propres amis. Non, la consolation que nous offrons, en fin de compte, c'est Jésus-Christ lui-même, qui seul est la résurrection et la vie. Numéro 3. Jésus confronte la mort. Il démontre sa souveraineté à cet égard en pleurant et en étant outragé. Il confronte la mort implacable. Il démontre sa souveraineté à cet égard par les larmes et en étant outragé. Verset 28 à verset 24. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis, elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui le consolaient la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit exactement la même parole que Marthe. Les mêmes mots. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Probablement, les sœurs avaient parlé de ces choses ensemble. « Oh, si Jésus aurait pu être ici. » Probablement, ils avaient dit la même chose à maintes reprises. Donc, Marie s'approche de Jésus avec exactement la même parole. Mais en ce cas, la discussion ne procède pas dans le même sens, parce que cette fois, il y a la foule de consolateurs. Eh bien, comment est-ce que les funérailles sont arrangées dans les cultures différentes? En Suisse, j'imagine, je ne suis pas ici assez souvent, mais j'imagine que c'est pas mal restreint. Les Suisses, en général, ne sont pas très, très forts pour les larmes, pour les démonstrations d'émotion. Où est-ce que je me trompe? Ce n'est pas comme des funérailles grecques, par exemple, que j'ai visitées, où franchement, on démontre comment on est triste par nos cris, nos larmes, nos démonstrations d'émotions, où dans le monde arabe, là, on commence à apprendre comment avoir des funérailles. Mais parmi les Suisses et parmi les Anglais, c'est beaucoup plus restreint, n'est-ce pas? Ou est-ce que je me trompe? Vous êtes tellement restreint que vous ne pouvez même pas répondre. Maintenant, je suis Québécois. J'ai un peu les deux. Le côté de ma mère et mon père, c'est assez restreint. Mais au Québec, il y a des sources un peu plus... je ne sais pas quoi. Mais dans la société des Juifs dans le premier siècle, c'était beaucoup plus comme le monde arabe aujourd'hui. Donc, même la famille la plus pauvre devait payer pour... un crieur professionnel et au moins deux femmes qui pouvaient jouer de flûte. Ce n'était pas une chanson de danse, hein, mais... Des dirges, est-ce qu'on dit dirges? Des lamentations, des chansons de lamentation, je ne sais pas. Dirges, je ne sais pas. Mais vous savez ce que je veux dire quand même. Et la responsabilité de cette femme, c'était chaque fois qu'il n'y avait pas assez de larmes dans la foule, elle devait commencer à pleurer de nouveau pour encourager les autres. Et en ce cas, cette famille était riche. Si même une famille la plus pauvre avait la responsabilité de trouver deux femmes qui pouvaient jouer de flûte et une autre femme qui savait pleurer, quelle sorte d'orchestre est-ce que ces deux femmes avaient? Après tout, cette famille était tellement riche qu'elle pouvait prendre elle pouvait oindre les pieds de Jésus avec quelque chose qui coûtait toute une année de salaire. Cette famille avait d'argent. Donc ici, sans doute, il y a une foule. Et donc, la discussion procède dans une autre direction. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Je n'aime pas dire trop souvent qu'il y a une mauvaise traduction, mais ici, il y a une mauvaise traduction. Quoi dire? En ce cas, toutes les traductions allemandes ont raison. Et presque toutes les traductions françaises et toutes les traductions anglaises sont, pour ainsi dire, dans les patates. C'est-à-dire, ils ont tort, hein? Parce que le texte ne dit pas, en réalité, verset 33, « Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient, il frémit en son esprit et fut troublé, mais plutôt, il était outragé. » Il était outragé, en pleine colère. Mais quand même, nous lisons, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois, Jésus pleura. » C'est remarquable, et ça ne finit pas là. Verset 38, « Frémissant de nouveau en lui-même, frémissant de nouveau en lui-même, outragé de nouveau, c'est ça que ça veut dire. » Jésus se rendit au tombeau. Pourquoi ? Eh bien, les commentateurs nous donnent un grand nombre de suggestions. Jésus est outragé et il pleure parce qu'il a perdu son ami, son bien-aimé ami Lazare. Et je réponds, une telle explication est ridicule. Pourquoi pleurer quand il sait que dans 2 minutes, Lazare va sortir du tombeau? Il semble que de telles larmes sont pas mal artificielles. « J'ai perdu mon ami !» Ensuite, il sait qu'il va sortir. Hein? Ça ne fait pas du bon sens. Ça veut dire, franchement, que Jésus est grand hypocrite. Pourquoi donc est-ce qu'il a pleuré? Pourquoi est-ce qu'il a été outragé? Pourquoi? Qu'est-ce que le texte dit? Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il était outragé. Et il a pleuré. La seule chose qui fait du bon sens, il me semble, c'est que Jésus sait bien que ses larmes se dépendent de la mort de Lazare. Et la mort de Lazare se dépend du péché et de la malédiction de Dieu. Et il est outragé et rempli de larmes. Voyez-vous, il voit continuellement le grand train de l'histoire du salut. Ce n'est pas tout simplement une perte individuelle. Il voit ce que c'est en réalité, la mort. La mort n'est pas naturelle. Il y a quelques années, un de mes amis à Calvin Seminary a écrit un livre sur le péché avec le titre « Not the way it's supposed to be ». Pas comme ça devrait être. Ça, c'était le titre de son livre. Pas comme ça devrait être. Dans ce sens, le péché et la mort et les larmes ne sont pas comme ça devrait être. Ce n'est pas naturel. C'est méchant. C'est tragique. C'est triste. C'est la rébellion. C'est coupable. C'est horrifique. Et ce n'est pas comme ça devrait être. C'est le péché. Et Jésus est outragé. Et il pleure. De même façon, nous remarquons que Jésus peut dénoncer les péchés dans Matthieu chapitre 23, avec des paroles assez fortes, mais à la fin du chapitre, il pleure pour la ville. Il y a des chrétiens qui sont pas mal forts à être outragés, surtout pour les péchés des autres, mais ils ne sont pas bien forts à pleurer. Il y a des chrétiens aussi qui sont tellement sensibles. Ils pleurent pour n'importe quoi. C'est toute une tragédie. Qu'est-ce que Dieu fait? Mais ils ne sont jamais outragés par le péché. Jamais. Ils ne voient vraiment pas le trame de l'histoire, l'intrigue de l'histoire du salut. Vous voyez? Chaque fois que nous nous tenons debout devant un tombeau. Oui, c'est la place pour les larmes. C'est aussi la place d'être outragé, parce que ça ne devrait pas être comme cela. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Donc, Jésus confronte la mort implacable. Il démontre sa souveraineté à cet égard par les larmes, en étant outragé. Mais il démontre quand même sa souveraineté. Il continue, verset 38, « C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre, Marthe. » La sœur du mort lui dit, « Seigneur, il sent déjà car c'est le quatrième jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Pierre, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Notez bien. Quand il y a des prières en public, il faut reconnaître qu'il y a un aspect pédagogique dans une prière en public. Jésus comprend que cette prière, ce n'est pas tout simplement pour son Père, mais pour la foule. Les prières en public ont un aspect public, pédagogique, pour enseigner le peuple comment prier, ce qu'il doit penser. Ce qu'elle doit penser. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Quelqu'un a remarqué, s'il avait dit tout simplement « Sors !» chaque tombeau à Jérusalem aurait été vide. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et ensuite, enfin, quatrièmement, Jésus confronte la mort morale et spirituelle et il donne la vie en mourant lui-même. Jésus confronte la mort morale et spirituelle et il donne la vie en mourant lui-même. Versets 45 à 53. Maintenant, j'ai mentionné quelques détails de ce passage hier. Je mentionne deux, trois autres choses. Plusieurs des Juifs venus chez Marie qui avaient vu ce qu'il avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Notez bien, il n'y a pas de miracle qui peut garantir la foi. Même un tel miracle, quelques-uns ont cru, quelques d'autres sont allés tout simplement se plaigner devant les pharisiens. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront nous enlever et notre lieu saint et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Gang de fous. » C'est une expression pas très polie. « Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Nous avons examiné ce passage hier. Deux ironies. Lui, il a offert une espèce de réel politique. C'est mieux de tuer Jésus afin de sauver la nation. Donc, il a tué Jésus et la nation était détruite quand même 40 ans plus tard. Mais à la fois, l'ironie la plus profonde, 51 et suivant, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et non seulement pour la nation, et ainsi de suite. Notez bien. Le passage parle de la mort d'un frère, d'un membre de famille. Mais malgré le fait que, oui, c'est l'histoire de Lazare, oui, oui, oui. En réalité, comme chaque chapitre dans les quatre évangiles canonique. L'histoire, c'est véritablement une histoire de Jésus. Il ne faut pas prêcher ce passage seulement comme une espèce de profil psychologique, comment être sage parmi ceux qui sont en tristesse, comment offrir la consolation envers ceux qui perdent quelqu'un dans la famille. Il y a des leçons à prendre comme cela. Mais c'est surtout un passage qui parle de Dieu et de Jésus. Jésus démontre son amour par le délai. Jésus console cette femme en dirigeant son attention vers lui. Il insiste que lui seul est la résurrection et la vie. Et lui-même, il est outragé par le péché, par tous les résultats du péché, par la mort qui sort de ce péché. Mais outragé ou non, il pleure aussi. Un homme qui est outragé devient dur. Un homme qui pleure tout le temps, il devient plastique. Mais un homme qui est outragé et qui pleure, il sait où se trouve la vérité, mais il a un cœur quand même doux, gentil, aimant. Et en fin de compte, le fait que Jésus est la résurrection et la vie est décidé par le fait que lui, il donne sa vie dans la place de la nation et du peuple de Dieu, tiré de tout le monde. C'est-à-dire, la promesse de Dieu qui console en face de la mort est basée, de nouveau, sur la croix, sur la substitution pénale que nous avons vue à la fin de ce passage hier. Maintenant, il y a un autre pilier que je veux souligner demain, c'est-à-dire des leçons que nous devons apprendre même de la croix. Ici, il y a à la fois l'eschatologie, c'est-à-dire ce qui arrive à la fin de l'histoire, des considérations provenant de la fin de l'histoire. Ici, la résurrection, la promesse de Dieu. Comment donner de consolation devant la souffrance quand nous examinons la fin de l'histoire? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement cette vie qui est en vue, mais aussi la résurrection à la fin. Et c'est encore Jésus qui donne cette résurrection. Donc, on revient à Jésus et à la croix, à l'Évangile. Mais ça, c'est un autre pilier tout d'un coup. On commence avec le deuxième, puis on arrive au sixième. Et ça, c'est pour demain.